ma gueule sur des t-shirts, ma belle gueule tendue sur les seins des filles. Un jour, on me découpera au cutter pour me bomber sur les murs de la ville. Je serai devenu un héros populaire, le genre de cum qu'on écoute quand il cause, qui se laisse jamais dicter ce qu'il a à faire et qui a le coup pour faire monter la sauce. Un jour je serai un héros populaire, un jour je serai une icône en colère, un jour je remplirai le Stade de France, un jour je serai le leader of the pack, celui qui envoie brouter les convenances, un peu comme Ernesto de la Sarac, le timonier des blancheuses, le Zapata du speed zapping, la diva des classes laborieuses, entre Lénine et Marilyn. Un jour je serai une icône en colère, un jour je serai un héros populaire. J'en aurai ma claque d'être un branleur, je pourrai enfin bosser à ma légende. Y'aura mon hologramme sur des flippers et ma musique fera danser les plantes. Je serai devenu un héros populaire, un jour je serai un héros populaire, un jour je serai un héros populaire.